Tu t'appelles Valérie et tout le monde t'appelle Val, Valou ou même Valoche. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le naufrage de l'USS Indianapolis le 30 juillet 1945, la pire catastrophe de l'histoire de la marine américaine. Ce jour-là, quelques minutes après minuit, ce navire, un croiseur de la marine américaine, reçoit de plein fouet deux torpilles tirées par un sous-marin japonais alors qu'il fait route vers une base américaine des Philippines. Le navire coule en 12 minutes. Cette histoire, c'est d'abord l'histoire de la souffrance humaine, comme toutes les guerres en génère. La mort de 200 marins et la condition horrible des 900 survivants qui, pendant 4 jours et 4 nuits, vont vivre un enfer. Certains dans l'eau, d'autres sur de tout petits canots. Entourés de centaines de requins, les rescapés vont assister à de véritables scènes d'horreur, voyant des dizaines de leurs camarades happés et dévorés sous leurs yeux par les squales, parmi les plus agressifs de la planète. Sur ces 900 malheureux, 316 seulement survivront. C'est enfin l'histoire d'une injustice, celle du commandant du navire, Charles McVeigh, jugé responsable du drame. Accusé d'avoir fait les mauvais choix, il est condamné en cour martiale avant d'être réhabilité bien plus tard par le président Clinton. Notre invité aujourd'hui, Damien Maric, producteur et auteur d'une bande dessinée sur le naufrage de l'USS Indianapolis, BD paru en 2012. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Rédaction documentaire du Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juillet 1945, la nuit est profondément noire, le ciel ourlé de nuages qui dissimulent la lune. L'USS Indianapolis, un croiseur de 185 mètres qui s'est illustré à plusieurs reprises dans la guerre du Pacifique, fend les flots de l'immense océan dans la chaude nuit tropicale. Et la fière allure, ce bateau. Voici la description qui en est faite dans le documentaire « L'histoire vraie de l'USS Indianapolis » de Lionel Camille. Mesurant 186 mètres de long, le croiseur lourd USS Indianapolis est l'un des navires les plus redoutés de l'US Navy. Il est notamment doté de trois tourelles de trois canons de 203 mm et s'est maintes fois illustré au combat dans tout le Pacifique, notamment dans les îles Marshall, les îles Marianne ou Guam, ce qui lui a valu 10 décorations. Ayant servi de vaisseau amiral au président des États-Unis lui-même, le président Roosevelt, l'Indy, comme on le surnomme, est considéré comme le fer de lance de la 5e flotte. Le capitaine Charles Butler McVeigh, que tous ses amis appellent Charlie, est soulagé. Il a mené à bien la mission ultra-secrète qui lui avait été confiée quelques jours plus tôt. Il s'agissait de convoyer de San Francisco jusqu'à la base de Tinian, dans les îles Mariannes, une grosse caisse de bois et une espèce de marmite hermétiquement close. Dans l'ouvrage « 800 hommes à la mer », le journaliste Richard Newcombe raconte comment la hiérarchie maritime a présenté cette mission au capitaine McVeigh. Vous ne saurez pas en quoi consiste ce chargement, mais il aura plus de valeur que votre navire. Si vous coulez, il devra être sauvé à tout prix, dans un canot de sauvetage si nécessaire. Deux officiers de l'armée de terre accompagneront la cargaison qui sera gardée par votre détachement de marine. La mission est tellement secrète qu'aucun ordre officiel de navigation n'est donné. Et bien sûr, pas d'escorte pour ne pas attirer l'attention. On ne lui a pas dit, mais McVeigh devine qu'il vient d'acheminer les éléments de la bombe atomique Little Bob qui sera larguée sur Hiroshima quelques jours plus tard. Sans doute ignore-t-il que le bâtiment qu'il commande vient de jouer un rôle décisif pour accélérer la capitulation du Japon avec un coût astronomiquement élevé pour les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki, inaugurant de fait une nouvelle ère dans les relations internationales, celle de la dissuasion nucléaire. Mais cette nuit-là, ce n'est pas la question qui préoccupe McVeigh. Non, sa mission accomplie, il doit à présent mener son navire jusqu'à la base de Leyte, aux Philippines, à 2300 km de là. Seul, à nouveau. Oh, ce n'est pourtant pas faute d'avoir demandé une escorte, comme le rappelle cet extrait du film de 2016, USS Indianapolis. Il s'agit d'un bref dialogue entre McVeigh, incarné par Nicolas Cage, et l'un de ses supérieurs. Amiral, nous avons reçu instruction de nous rendre à Leyte. Maintenant que nous avons livré les caisses, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir une escorte ? Charlie, comment pourriez-vous avoir une escorte ? Vous n'êtes pas censé être là. C'est l'une des versions de l'histoire. Mais une autre, celle du médecin de bord, qui figure parmi les rescapés, jette le trouble. Ce médecin dit « On a répondu à McVeigh que nous n'avions pas besoin d'une escorte car il était supposé aller aux Philippines en toute sécurité. » Mais ce qu'on ne lui a pas dit, c'est qu'il y avait des sous-marins japonais sur la route et que les services de renseignement de la marine le savaient. Oui, les Américains sont parfaitement en courant. D'abord parce que l'un de leurs navires a été coulé dans la zone quelques jours plus tôt. Et surtout parce qu'ils ont craqué les codes utilisés par l'armée japonaise. Mais ils ne veulent pas le faire savoir, de peur que l'ennemi se rende compte que ces codes ne sont plus sûrs. Et en change. L'USS Indianapolis est donc seule. Pas d'escorte, pas de sonar. Les croiseurs qui naviguent habituellement en escadre, accompagnés d'un lourd cuirassé, n'en sont pas équipés. Plutôt que de faire des changements de cap, de zigzaguer comme cela est recommandé pour éviter d'éventuelles torpilles, McVeigh décide alors de tracer tout droit pour regagner la Leyte le plus rapidement possible. L'obscurité, pense-t-il, protège son bâtiment et ses hommes. Il est alors un peu plus de minuit. La mer est toujours d'encre, le ciel de ténèbres. Il fait si noir que les marins de quart sur le pont se distinguent à peine. Le capitaine a rejoint sa cabine. Tout va bien jusque-là. Mais soudain, la couverture des nuages se déchire, laissant la lune éclairer le navire. Ce 30 juillet 1945, tout est en place pour que la tragédie commence. Bonjour. Allez, gars, qu'une chance. Parce que non, loin de là, à bord du sous-marin japonais I-58 qui vient de faire surface pour observer les environs, le capitaine Moshitsura Hashimoto n'en croit pas ses yeux. Là, à portée de torpille, un croiseur américain sans escorte. Pour lui qui, en 3 ans et demi de guerre, n'a jamais réussi à couler le moindre navire ennemi, c'est une véritable aubaine. Voici la narration qui en est faite dans l'ouvrage « Left for Dead » de Pete Nelson. Lorsque Hashimoto monte sur la passerelle, il aperçoit dans ses jumelles un point noir à l'horizon, à environ 10 000 mètres. Son pouls s'accélère. La lune se trouve directement derrière le navire, qui semble se diriger droit sur lui. Si elle avait été n'importe où ailleurs dans le ciel, il n'aurait probablement pas repéré le navire en plein milieu de l'océan. C'est comme une providence. Pour une fois, il était au bon endroit, au bon moment. Hashimoto ordonne de faire feu. 6 torpilles sont tirées en direction du bâtiment américain. À bord de l'Indy, comme on l'appelle familièrement, les hommes de quart sont à leur poste. Les autres jouent aux cartes ou dorment déjà dans leur cabine ou sur le pont, où il fait meilleur. Mike Kurila, lui, vient de s'allonger sur sa couchette, les chaussures sous la tête en guise d'oreiller. Sous ses airs, le très jeune homme et son sourire qui garde les traces de l'enfance, c'est un marin aguerri qui a participé à 8 grandes batailles comme capitaine d'armes. Mais alors qu'il plonge doucement dans le sommeil, il est réveillé par une forte secousse. Puis une deuxième explosion l'envoie valser hors de sa couchette. Malgré les flammes et la fumée qui ont envahi une partie du bateau, il court aussitôt à son poste de combat, prêt à tirer sur un avion ennemi, mais pas d'avion en vue. Alors c'est peut-être une mine, se dit Kurila, ou une torpille. Ce sont en fait 2 torpilles qui ont touché l'Indy de plein fouet. La première à l'avant du navire, la seconde dans le réservoir de carburant. Les explosions, les flammes, les cris des blessés, la proue qui s'enfonce, le navire qui gîte. Les hommes tentent d'éteindre les incendies, mais il n'y a pas de pression dans les tuyaux. Il n'y a pas non plus de circuit électrique pour transmettre les instructions, il n'y en a plus. Les ordres sont hurlés dans un fracas indescriptible. Le capitaine est parmi les premiers éveillés. Il enfile rapidement sa veste et un pantalon, demande un compte-rendu des dégâts. Extrait, à nouveau, du livre Left 4 Dead. Le commandant Moore au rapport. Les compartiments avant prennent l'eau très rapidement. Impossible de réparer. Donnez-vous l'ordre d'abandonner le navire. Peut-être McVeigh avait-il le tort de trop croire en son navire, mais celui-ci lui avait donné des raisons de croire en lui en plusieurs occasions. Il pense qu'il pourrait peut-être s'en sortir. Donner l'ordre d'abandonner le navire sans être absolument certain qu'il va couler serait une terrible erreur. Le commandant Flynn, son second, insiste. Nous avons été salement touchés, Charlie. Nous prenons l'eau rapidement. La proue est détruite. Je pense que c'est fini. Les flammes s'élèvent dans le ciel. Une épaisse fumée monte du pont avant. Les moteurs sont arrêtés. Les circuits électriques ont grillé. Seul l'éclairage d'urgence fonctionne encore. McVeigh se rend à la raison. Commandant Flynn, transmettez l'ordre d'abandonner le navire. Ici l'USS Indianapolis, appel de détresse. Ici l'USS Indianapolis, je répète, appel de détresse. McVeigh ordonne aussitôt de vérifier si un SOS a pu être envoyé. Oui, affirme catégoriquement l'un des deux radios, un message d'alerte a été lancé. Mike Coria, le marin que nous avons laissé entre les flammes et la fumée, entend l'ordre d'évacuation relayé de proche en proche. Oui, toutes les communications sont hors service sur le croiseur. Impossible de lancer l'ordre d'abandonner via des haut-parleurs du bord. Alors, Coria court détacher le radeau de survie le plus proche. Ils s'y mettent à plusieurs, mais le bateau s'enfonce rapidement, l'entraînant vers le fond. J'ai lâché le radeau et poussé le plus possible sur mes pieds en tâchant de me sortir de là. Mais l'effet de succion du bateau qui s'enfonçait était trop puissant. J'ai vu le visage de mes parents, et aussi ceux de mon frère et de ma sœur. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis remis entre les mains de Dieu. Et je ne sais comment, je me suis retrouvé à la surface, toussant et crachant du pétrole. Il y avait un radeau de survie près de moi. J'ai grimpé dedans. Il y avait là déjà un marin de mon équipe. Nous avons crié « Par ici ! Par ici !» pour ceux qui se trouvaient alentour. Ils sont plusieurs centaines à tenter de s'éloigner du navire, à s'extraire des remous provoqués par le naufrage et des nappes de mazout échappées du bateau éventré, tentant vaille que vaille de s'accrocher à quelque chose. Un radeau pour les plus chanceux, un morceau de bois pour les autres. Quelques-uns ont le temps de se retourner pour voir le navire avalé par l'océan. Et à l'intérieur, scènes épouvantables. Combien sont-ils à se retrouver coincés dans une cabine sur le navire ou dans la salle des machines, voyant l'eau monter inexorablement, sans aucune issue, avec pour seule perspective la mort lente par noyade. McVeigh, lui, comme beaucoup de ses hommes, se retrouve à la mer, précipité par une vague balayant le pont. Alors, il voit la poupe du navire monter à la verticale, s'élever à 60 mètres dans les airs, et les hommes encore à bord glisser et s'écraser dans un océan qu'à la hauteur rend dur comme du béton, alors que d'autres sont entraînés dans les profondeurs avec leur navire. Il aura fallu 12 minutes, pas une de plus, pour que l'USS Indianapolis disparaisse dans les profondeurs du Pacifique. 3 hommes périssent dans le naufrage. McVeigh contemple la scène, partagée entre l'horreur et une culpabilité qui ne le quittera plus. Aurait-il pu faire mieux, plus, pour sauver les hommes, ses hommes ? Pourquoi lui, le capitaine, est-il sauf quand tant d'autres ont péri ? Les lois de la mer veulent qu'il soit le dernier à quitter le bâtiment, ou qu'il meure avec lui. McVeigh s'assied d'abord à califourchon sur une caisse de pommes de terre flottant parmi les débris. La suite est relatée dans l'épais ouvrage USS Indianapolis, la véritable histoire de la pire catastrophe de la marine américaine, de Lynn Vincent et Sarah Lennick, paru en 2018. Peu après, deux radeaux de sauvetage passent devant lui. McVeigh abandonne sa caisse pour se hisser dans l'un d'eux. Les pagaies ont disparu. Il entend alors des voix et crie dans leur direction. Dans l'obscurité, une voix lui répond. capitaine McVeigh ? Oui. Qui est-ce ? C'est Allard, monsieur. Montez à bord. Le quartier-maître s'approche en nageant, tirant deux jeunes marins épuisés et presque inconscients. Ils semblent avoir ingéré de grandes quantités d'eau salée et de pétrole, et ils vomissent tant et plus. L'épuisement finit par s'installer, puis le silence. McVeigh garde un œil sur les deux garçons en détresse. Bientôt, ils ne bougent plus. Le capitaine en conclut qu'ils sont morts. 900 hommes surnagent ainsi dans le noir à 450 km de la terre la plus proche. Entre ceux qui ont sauté à l'eau en premier et les derniers, le navire a continué à avancer tout en s'enfonçant, de sorte que les rescapés sont dispersés sur plusieurs milles. Et ils ont froid à rester des heures dans l'eau, même si la nuit est douce. Ils ont peur, sans doute, mais se disent que les secours ne vont pas tarder. On a pu envoyer un SOS, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on a lancé un appel de détresse ? Oui, forcément. Ils savent ce qui s'est passé. Ils vont venir nous récupérer. On va nous sauver. Quand le jour se lève, les radeaux et les hommes proches les uns les autres se sont rassemblés et ont relié les radeaux. Plusieurs groupes se sont ainsi constitués, mais tellement distants. Celui du lieutenant Lewis Haynes, le médecin du bord, dérive dans le lit de la nappe de mazout vomi par l'Indy au moment de l'explosion. Et heureusement, il a eu l'idée d'accrocher un long câble au radeau, de façon à ce que les hommes qui flottent dans leur gilet de sauvetage puissent y arrimer et trouver un semblant de sécurité. Mais la faim et la soif commencent à se faire sentir. Oh, il y a bien quelques provisions sur les radeaux. On se les partage, plus ou moins équitablement. Oh non ! Sortez ! Montez à bord des canons ! Appuyez dans les canons ! Allez, mettez-vous à l'abri, dépêchez-vous ! Dégage du bateau ! Mais dans l'immensité qui entoure ces hommes, d'autres créatures ont faim. Les requins. Attirés par les énormes remous qu'ont provoqué l'explosion et le naufrage, alléchés plus encore par le sang des blessés, ils entament leur sinistre besogne. Les morts et les blessés d'abord, les hommes valides ensuite. Et plus que tout le reste, les requins sèment la terreur, tournant inlassablement autour des groupes, frôlant les jambes des marins. C'est cet épisode que narre le vieux chasseur de requins Quint dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des espèces de groupes compacts. On s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit, le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux sans vie, sans rien. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. À l'aube de ce premier jour, 100 hommes étaient morts. Si ce sont les requins qui suscitent le plus d'effroi, ils ne sont pas les seuls bourreaux de ces hommes. L'eau glacée la nuit, la chaleur accablante le jour, le sel qui brûle la peau, le soleil qui incendie les yeux. Et puis la soif, terrible, qui incite nombre de marins à boire de l'eau de mer. Ce faisant, ils saturent leur corps en sel et commencent à avoir des hallucinations. Certains voient l'Indy faire route vers eux pour les recueillir. D'autres aperçoivent une île, là, à quelques brasses, et nagent dans cette direction pour ne plus revenir. Une journée passe, puis une autre nuit. Le nombre d'hommes vivants diminue à une vitesse effrayante, et avec lui l'espoir de voir des secours arriver. Et pendant ce temps, les requins poursuivent leur carnage. Les requins ! Non ! Non ! Il s'agit pour la plupart de longimans, dit aussi requins océaniques ou encore à pointe blanche, car le haut de leur nageoire dorsale est blanc. Ils sont peu connus. On ne les verrait pas dans les dents de la mer, car ils vivent au large et ne fréquentent pas les côtes. Mais ils sont considérés comme les plus dangereux des squales. Et en cette fin juillet 45, ils ne font pas mentir leur réputation. Voici le témoignage de Tony King, un rescapé, recueilli des années plus tard par Lynn Vincent et Sarah Vladik. Il a à ce moment-là 94 ans. Il regarde ses genoux, revivant manifestement le cauchemar, comme s'il s'était déroulé quelques instants auparavant. Il y avait beaucoup de requins. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Il y en avait tellement. Je les voyais nager en dessous de moi. La main de King trace lentement des cercles près de ses jambes, décrivant la patrouille menaçante des requins. Ses yeux se troublent tandis qu'il regarde la scène se dérouler, les prédateurs toujours à l'affût à quelques mètres de lui après toutes ces années. Sa respiration se ralentit et des larmes coulent sur son visage torturé. Tant d'amis disparus. Écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le naufrage de l'USS Indianapolis. Affaires Sensibles. Il est drôlement près cet avion, tu le vois? Dis-moi que tu le vois. Au secours! On est là! Par ici! Il y a un avion, agite tes bras! Fabrice Drouel. Le 2 août, un bombardier américain survole la zone. Son commandant, Chuck Gwynn, 24 ans, cherche à réparer une antenne défectueuse. Alors il prend place à l'arrière de l'appareil où se trouve un hublot. Tout à son affaire de réparation, il jette distraitement un œil et sursaute. Il vient de repérer des nappes de pétrole qui dérivent et les attribue à un sous-marin japonais. « Soyez prêts à bombarder », lance-t-il à ses deux coéquipiers. Mais alors que l'avion vire pour s'approcher de sa cible, Gwynn se rend compte qu'il y a là, dispersés sur la zone, des dizaines et des dizaines d'hommes. Gwynn descend à 300 pieds pour regarder de plus près. Il voit des hommes couverts de mazout, s'agiter, éclabousser, faire de grands signes. Qui sont ces gens? Il y a des centaines d'hommes en bas, dispersés sur tout le périmètre. Prévenez la base! Vélo, ici Parieur 17, nous survolons des centaines de naufragés. La nappe de pétrole était énorme et semblait indiquer qu'un grand navire avait été coulé. Mais il n'y a eu aucune mention d'un naufrage pendant son briefing avant le vol, et aucune depuis qu'il est en vol. S'agit-il d'Américains? Oui, ce sont des Américains. La base de l'IT est aussitôt avertie. 2 heures plus tard, le lieutenant Adrian Marks, aux commandes d'un hydravion Catalina, arrive sur la zone. L'autorisation d'amérissage qu'il demande par radio lui est refusée, trop risquée. Marks, lui, voit des hommes à bout de force. Il voit aussi les requins qui leur tournent autour. Alors tant pis pour les ordres. Il pose sur l'appareil dans des conditions acrobatiques. La mer est formée, comme disent les marins, avec des creux de 3 mètres. L'appareil rebondit sur les vagues, subit des dommages, mais il a mairi. Avec ses équipiers, Marx y fait monter le plus d'hommes possible. Il n'y a plus de place dans la carlingue, on les installe sur les ailes en les attachant avec des parachutes pour éviter qu'ils ne glissent. Ils sont ainsi 56 à être mis hors de portée des requins, dans et sur cet avion ballotté par les vagues, devenant en quelque sorte un radeau de sauvetage. Mais solide, celui-là. Pour tous les rescapés de l'USS Indianapolis, Adrian Marx restera comme l'ange de la mer et Chuck Gwynn comme l'ange du ciel. Dans le film USS Indianapolis, le capitaine McVeigh, alias Nicolas Cage, tient pour lui-même ses propos en voyant les secours arriver. Je ne comprends pas pourquoi cela avait été si long. Enfin, les secours arrivaient. L'avion manquait de place pour accueillir tous les survivants. Mais les navires allaient suivre. Le Bassett, le Ringus, le Talbot, le Register, le Delphilo et le Cecil G. Doyle. Consterné par le spectacle qui s'offre à lui, le capitaine décide, au risque de se faire repérer par les Japonais, d'allumer son projecteur pour repérer les survivants. Il embarque aussi tous ceux qui étaient dans l'hydravion ou attachés sur ses ailes. L'appareil, qui a subi des dommages irréversibles lors de l'amérissage, est coulé. Il faudra encore 48 heures pour recueillir tous les rescapés, dispersés sur plusieurs kilomètres carrés. 317 marins ont survécu au naufrage, au requin, à la soif, à la folie. 317 sur les 1197 qui étaient à bord, à qui la faute? Quand la nouvelle du naufrage et des secours tardifs arrive à Washington, c'est la consternation. Témoin, cet extrait du film USS Indianapolis, c'est un responsable haut placé à la Maison Blanche qui parle et un conseiller qui lui répond. Bordel de merde. Les Japonais sont sur le point de capituler et c'est en partie grâce à l'Indianapolis. Je ne veux pas un mot du naufrage dans la presse. Quand le Japon capitulera, nous ferons passer un entrefilet pour noyer ça au milieu des bonnes nouvelles. Je pense que la presse et le public voudront qu'on leur apporte la tête de quelqu'un sur un plateau. Tout est dit, il faut un responsable. Ce sera donc McVeigh. McVeigh qui a survécu quand tous les officiers de son navire sont morts. McVeigh qu'une partie de la presse et certaines familles des marins décédés accusent. McVeigh, seul capitaine de l'histoire américaine, a passé en cour martiale pour avoir perdu son navire lors d'un acte de guerre. Son procès débute à Washington le 3 décembre 1945. Il doit répondre de 2 charges. Mise en danger du navire en refusant de zigzaguer, avoir mis trop de temps à donner l'ordre d'abandonner le bateau. Mais il plaide non coupable. Le tribunal l'exonère de la deuxième charge, et McVeigh reste fautif pour la première, autrement dit, être allé tout droit pour arriver plus vite. Condamné donc, malgré un témoignage qui le dédouane complètement, confère cet extrait du film USS Indianapolis. Nous souhaitons faire comparaître le seul officier de sous-marin dont le témoignage soit pertinent puisqu'il était présent. Nous appelons à la barre le capitaine Hashimoto de la marine impériale japonaise. C'est une blague. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Capitaine Hashimoto, selon vous, si le bateau avait navigué en zigzag, cela aurait-il changé quelque chose ? Non. Nous étions trop près. J'ai fait tirer 6 torpilles. Il n'avait aucune chance d'en réchapper. McVeigh passe le reste de sa vie à s'en vouloir de n'avoir pas pu sauver ses hommes et aussi à recevoir maintes lettres et appels anonymes l'accablant. Un véritable calvaire. Jusqu'en 1968, où peu après le décès de son épouse, il se suicide. L'histoire aurait pu en rester là, et le naufrage de l'USS entrait dans l'histoire par la petite porte, comme la pire catastrophe navale de l'histoire de la Navy, avec le commandant McVeigh comme anti-héros, victime d'une décision injuste. Mais c'était sans compter sur un collégien, oui, un collégien de 11 ans, Hunter Scott. En 1996, il regarde avec son père Les Dents de la Mer. Le récit du chasseur de requins, Quint, l'interpelle. C'est vrai cette histoire, papa ? Oui, fils, je crois bien que c'est vrai. Il se trouve que Scott doit faire un exposé pour son cours d'histoire. Eh bien voilà, il a trouvé son sujet. Mais il se rend vite compte qu'il n'existe pratiquement pas de livres sur le naufrage de l'Indy. Quelques articles sur le procès du commandant McVeigh, c'est à peu près tout. Alors, se dit le collégien, en jeune américain entreprenant, il faut recueillir les témoignages de marins survivants. Sur les conseils de sa mère, il passe une annonce dans un journal de la base aéronavale Pensacola, en Floride, où il habite. Et grâce à cela, il rencontre un certain Maurice Glenn Bell, vétéran de l'USS Indianapolis. Et voici comment Hunter Scott rend compte de ce rendez-vous dans la préface du livre Left 4 Dead. Monsieur Bell était un homme merveilleux, et son histoire faisait froid dans le dos. Plus encore que la scène des Dents de la Mer avec Quint. Il était persuadé que le capitaine McVeigh avait été victime d'une injustice. Après l'avoir rencontré, mon projet était devenu une mission. Je décidai d'essayer de redresser un tort fait il y a plus de 50 ans. Maurice Bell est précieux pour le jeune redresseur de tort. Non seulement il a une excellente mémoire, mais il donne aux collégiens un tas de lettres et de photos. Et surtout la liste des 154 membres de l'équipage encore en vie à cette époque. Ils avaient alors entre 69 et 92 ans. L'adolescent se voue corps et âme à sa mission. Fort des témoignages des survivants, tous convaincus qu'une injustice a été faite à McVeigh, il écrit au président Clinton et au ministre en charge de la Marine, demandant que le dossier du capitaine soit rouvert. Et il reçoit en retour de très aimables lettres de refus. Pas découragé, le collégien continue à amasser une documentation exceptionnelle, attire l'attention d'un membre du Congrès, puis celle des médias qui couvrent les réunions d'anciens de l'Indianapolis et qui l'invitent sur les plateaux. Car depuis l'année 1960, les survivants se réunissent chaque année. Et chaque année, moins nombreux, bien sûr, mais unanimement désireux de rendre justice à McVeigh, et encore plus depuis sa disparition. Autant dire qu'ils soutiennent autant qu'ils le peuvent les démarches de Hunter Scott. Finalement, après des mois et des années d'acharnement, l'objectif est atteint. Le 30 octobre 2000, le président Clinton signe une ordonnance qui blanchit totalement le capitaine McVeigh, 55 ans après son procès, 33 ans après son suicide. L'US Navy, qui a refusé de reconnaître ses propres manquements, met encore plusieurs mois pour innocenter McVeigh des faits qui lui étaient reprochés. Voilà. Tout est bien qui finit bien ? Presque. Car l'histoire connaît un dernier rebondissement en 2017. Le 19 août, le milliardaire Paul Allen, dont le père était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, annonce avoir retrouvé l'épave de l'USS Indianapolis. Celui qui fut le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates avait financé une mission pour trouver le lieu où repose l'épave du croiseur, découverte à 5000 mètres de profondeur, très bien conservée, la proue à plus d'un mille de distance du reste de la coque. Si tous les rescapés de l'Indianapolis sont aujourd'hui disparus, il reste encore nombre de questions sur son naufrage. Les SOS envoyés par le navire ont-ils été reçus ? Et si oui, pourquoi ont-ils été négligés ? Dans les films, les livres ou les articles sur les sujets, les théories diffèrent. Ici, les SOS auraient été reçus mais pris pour un piège tendu par les Japonais. Là, il est dit qu'un message a bien été reçu, effectivement, mais qu'on attendait une confirmation qui n'est jamais arrivée. La Navy ne s'est jamais expliquée sur le sujet. Un officier supérieur, entendu lors du procès de McVeigh, expliquait ainsi la situation par un faisceau de coïncidences malheureuses. Autrement dit, la faute n'a pas de chance. Il s'agit d'une de ces affaires où plusieurs circonstances se combinent d'une manière inimaginable. C'est le cas de l'Indianapolis. Si il avait reçu une escorte, si les nuages ne s'étaient pas écartés, si sa radio avait fonctionné, si les règles d'arrivée au port avaient été plus claires, si quelqu'un avait écouté les rapports japonais annonçant le naufrage, si l'une ou l'autre de ces circonstances était avéré favorable, des centaines de vies auraient été sauvées. Et le capitaine McVeigh n'aurait pas été injustement considéré comme l'unique responsable de ce qui reste à ce jour la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la marine américaine. Aujourd'hui, le naufrage de l'USS Indianapolis. Notre invité, Damien Maric. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur et producteur. Vous avez notamment produit des concerts symphoniques, des chaînes sur YouTube. Vous êtes actif dans le monde du clip et dans la production audiovisuelle. Vous faites plein de choses. Et d'ailleurs, vous publiez en 2012 cette bande dessinée sur l'USS Indianapolis. Qu'est-ce qui vous a fait plonger, si j'ose dire, dans ce sujet? Un peu comme ce jeune étudiant, j'avais 6 ans, j'ai vu Les Dents de la Mer à la télévision et j'ai été plus happé par cette histoire que par celle des insulaires. Comme le jeune Scott, alors pareil. Complètement, à l'âge de 6 ans. Et à 12 ans, j'ai voulu en faire quelque chose et je me suis plutôt orienté sur une autre affaire qui est celle de Jack l'Éventreur. Et il a fallu attendre pratiquement mes 25-26 ans pour que je m'y replonge. Alors quel regard vous portez sur le travail de ce jeune Scott? Parce que c'est étonnant quand même, la fin de l'histoire, qu'elle rebondisse comme ça par le travail d'un gamin. Qui aurait pu faire, d'ailleurs, ça a peut-être fait un grand journaliste, je ne sais pas. Mais quel enquêteur! Bien sûr, mais c'est formidable, parce que déjà, il a remis sur le tapis une histoire qui était presque oubliée. On parle très souvent du Titanic, mais rarement de l'USS Indianapolis. Bien sûr. Alors, pour la BD, quelles ont été vos sources, justement? Parce que je reparle de Hunter Scott, le collégien, qui s'est donné pour mission de réhabiliter le capitaine McVeigh. Il raconte qu'il a trouvé très peu de sources, livres ou articles, quand il a commencé son travail en 1996. Et vous? Alors, il faut le dire, vous l'avez dit, 1996, on n'avait pas Internet, enfin, il n'y avait pas encore toutes ces chaînes qu'on peut avoir aujourd'hui, tous ces sites web. Donc déjà, sa source était, il n'avait pas grand-chose. Moi, beaucoup plus tard, on est en 2008, quand je commence un petit peu à m'y remettre, j'ai déjà accès à de nombreux sites, de nombreux témoignages. Il y a, comme vous l'avez dit, cette réunion des anciens survivants rescapés qui se réunissait chaque année. Donc, il y avait déjà beaucoup plus de choses, beaucoup plus de livres aussi, comme 900 hommes à la mer. Donc, ça m'a déjà bien aidé. Et j'ai rencontré un survivant à Londres. Est-ce que vous êtes allé aux États-Unis? Est-ce que vous savez ce qu'on en dit encore là-bas, dans les milieux militaires, notamment? Non. Alors, votre bande dessinée est articulée autour du procès de McVeigh avec une série de flashbacks qui ramènent sur les lieux du drame. Pour vous, la pièce maîtresse de cette histoire, c'est le procès? Oui. Complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même le naufrage qui est très spectaculaire, qui est terrible. Oui, bien sûr, mais je trouvais que le procès était encore plus terrible presque. C'est dur à dire, mais en fait, j'avais l'impression d'une grande mascarade quand je faisais mes recherches, en me disant, mais on fait intervenir celui qui a coulé le sous-marin, on le fait venir, les familles l'applaudissent, alors que c'est quand même lui qui a coulé le bateau. On a McVeigh qui est injustement condamné. J'ai trouvé que, voilà, même l'accusation, tout ce qui est sur le zigzag, sur la plaine, lune, sur tout ça. Je trouvais que c'était assez terrible. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, en faisant des recherches, c'était peut-être pour protéger un petit peu l'opinion publique de ce qui se passait au Japon avec Hiroshima et Nagasaki, je sais pas. Oui, certainement. Parce qu'on rappelle que ce bateau avait réussi sa mission, quand même, d'acheminer des pièces nécessaires à la bombe. Ça n'est qu'au retour. Et donc, on arrive là dans l'accusation. On accuse McVeigh de deux choses et surtout de ne pas avoir zigzagué. Pourquoi n'a-t-il pas zigzagué? C'est vrai que c'est une méthode classique dans la marine de guerre pour pas se faire repérer. Zigzaguer, pourquoi ne le fait-il pas? Alors déjà, il y a aussi deux choix. On lui dit qu'il était parallèle à la Lune ou perpendiculaire. Enfin, en fait, en gros, comme l'a dit celui qui l'a coulé, il lui a dit que ça n'aurait rien changé, de toutes les manières. Il aurait fallu une escorte, il aurait fallu beaucoup plus de choses. On savait, on le dit dans votre reportage, qui est formidable d'ailleurs, on le dit, il y avait énormément d'informations qui ont été dissimulées. Il était, on l'a laissé partir sans escorte. On savait qu'il y avait un bateau quelques jours avant qui avait coulé, qui avait été torpillé. Donc, il y avait énormément d'informations qui avaient été tenues secrètes. Et puis, qu'il ait zigzagué ou pas, au fond, le trajet qu'il a emprunté pour le chemin du retour, c'était fini. Peut-être pour ça qu'il a été réhabilité d'ailleurs, Clinton. Je pense, ouais. Alors qu'en est-il de ces missiles habités des Japonais? Alors qu'on voit dans le film, USS Indianapolis, donc des missiles kamikazes, avec des soldats dedans, donc des soldats qui vont conduire, qui vont piloter la torpille. Ouais. Bah, c'est très surprenant. C'est vrai que quand j'ai découvert ça aussi, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai jamais entendu incroyable. Parler. Ça, c'est kamikaze. Donc, en gros, vous aviez les torpilles, elles, qui partaient, qui filaient droit. Mm-hmm. Et puis, vous aviez ces gars qui étaient à l'intérieur et qui, comme un petit submersible, ils étaient là à conduire la torpille pour toucher la cible et donc, évidemment, mourir dès l'impact. On appelle ça des Taiken, c'est ça? Ah, bonne question, ça je... Oui, je crois que c'est ça. Et ils n'ont pas envoyé de torpilles de cette nature-là, ils ont envoyé des torpilles classiques. Moi, en tout cas, sur mes recherches, ce que j'avais, c'était les deux torpilles qui avaient touché au travers avant, c'était des torpilles classiques. Alors, dans le procès, intervient Hashimoto. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Donc, le commandant du sous-marin qui envoie les torpilles, qu'est-ce qu'on lui demande et qu'est-ce qu'il dit? Bah, il y a quelque chose que je trouve assez terrible, c'est qu'on lui demande s'il a des regrets par rapport à son geste d'avoir coulé l'USS Indianapolis, et il répond « Oui, j'ai des regrets, c'est de ne pas l'avoir coulé avant qu'il livre, évidemment, les éléments de la bombe. » Il aurait dit aussi « Je n'ai pas de regrets professionnellement, parce que j'ai obéi aux ordres, ce que tous les militaires disent, mais j'ai un problème humainement. » Ah, c'est fort probable. Ça, ça vous en savez un petit peu plus que moi là-dessus, mais en tout cas, oui, c'était... Mais vous vous rendez compte que c'était assez surprenant de faire témoigner à la barre contre un ancien ennemi, oui. Et qu'il soit adulé et applaudi par les familles des victimes. C'était quand même très surprenant. Et donc, celui qui n'était pas applaudi, donc considéré comme le responsable, c'était McVeigh. Et jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il s'est isolé à la frontière entre le Canada et les États-Unis, et il vivait dans une petite maison, une petite cabane, et quand sa femme est morte d'un cancer, il a mis fin à ses jours tout de suite après d'une balle dans la tête. Ouais. Il recevait des lettres, des insultes. Des lettres, des insultes, et des gens venaient taper à sa porte, des membres des familles, des frères qui tapaient, qui tambourinaient, et qui le menaçaient, oui, bien sûr. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Damien Maric, on va parler de ces cinq groupes. Oui. Je vous pose la question de façon toute simple comme ça pour que vous me racontiez qui sont ces cinq groupes, ce qu'ils ont fait. Oui, alors on a... Donc c'est un groupe de rescapés, bien oui, sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils étaient, en fait, les courants les ont éloignés. Donc déjà, il y avait la manière dont ils ont sauté du bateau, puisqu'il y avait ceux qui ont sauté à l'arrière avec le mazout, ceux qui ont sauté à l'avant. Donc ils ont été déjà dispatchés par l'atterrissage, mais ensuite là, il y avait tous les courants qui les ont dispatchés. Et donc, on sent cinq groupes. Il y a le premier groupe qui était celui du docteur Haynes, qui était vraiment dans le mazout. Alors eux, c'est très simple, pour l'ensemble des groupes, c'était ceux qui avaient le plus de gilets de sauvetage, mais un gilet de sauvetage tenait 24 heures, donc très vite. Et puis être dans le mazout, quand on sait que des oiseaux, des volatiles avec du mazout sur le plumage, c'est déjà dur. Autant vous dire que sur notre peau, c'est presque un acide, c'est terrifiant, on peut presque plus respirer, en avaler, c'est horrible. Le deuxième groupe, c'était le groupe des hallucinations. C'était un des groupes qui n'avait que très peu de provisions. Donc très vite, ils ont commencé à boire de l'eau de mer. Vous l'avez judicieusement dit tout à l'heure, ça provoque dans un premier temps des hallucinations. Mmh. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ensuite, le sel se cristallise dans les reins. Ouais. Et alors, autant vous dire que vous commencez à avoir des spasmes horribles. Et alors, ça se transforme dans des douleurs abdominales. Le sang commence à sortir de vos oreilles, de votre narine. Et là, c'est une mort terrifiante. Ça, c'était le deuxième groupe. Ensuite, vous avez ce troisième groupe qui, lui, était celui qui était, on appelait ça le seigneur du radeau. C'est-à-dire qu'ils avaient des radeaux de fortune. Et puis là, il y avait tellement de requins dans ce groupe-là que ils ont commencé à essayer de survivre du mieux qu'ils pouvaient. Et pour pas faire chavirer le radeau, ils se battaient les uns contre les autres pour essayer de le maintenir. Donc ça, c'était assez terrifiant. D'ailleurs, C'était des petits radeaux. Enfin, les canaux de sauvetage, des boîtes d'allumettes, quoi. Il y avait des choses gonflables et puis il y avait des radeaux de fortune. Et puis j'ai une anecdote d'un des survivants. Je vous la fais très rapide. Non, même pas en rapide. Fait, on attend, allez-y. Ah, très bien, merci. Ils étaient deux frères dans le même groupe. Mmh. Et à un moment donné, donc ils forment, comme le dit Quint dans le film Les Dents de la Mer, des groupes compacts où ils tapent vraiment sur l'eau pour faire fuir les requins. Puis à un moment donné, les requins commencent à s'habituer, puis attaquer vers le bas pour les happer. Et donc, dans ce troisième groupe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des frères, à un moment donné, ils étaient tellement, parce que quand une jambe touchait la jambe d'un collègue, ils s'étaient persuadés que c'était un requin, donc ça hurlait dans tous les sens, entre les cris de panique et les cris de ceux qui se faisaient dévorer. Et il y a un moment donné, ils étaient deux frères, et un des frères tourne la tête et voit que son autre frère a une méchante coupure. Et là, il le rejette du groupe. C'est-à-dire que... Et pourtant, la coupure, elle attire les requins. Eh oui, mais du coup, c'est pour ça. Du coup, il voit cette coupure et il rejette son propre frère en disant « Sors du groupe, tu vas attirer les requins ». D'accord. Évidemment, il y a du sang partout, vous en doutez bien. Ouais. Mais voilà, la folie les prend. Et évidemment, c'est celui qui a rejeté son frère qui s'est fait dévorer par trois requins qui l'ont décapité. Ensuite, il y a le quatrième groupe, ce qu'on appelle le groupe du suicide. En fait, ce groupe-là, ils se suicidaient les uns les autres. En fait, il y a eu comment bien évidemment. Mourir, alors, en fait, c'est simple, ils se laissaient couler. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'attachait les jambes, et puis il y en a un qui coulait, et puis il entraînait l'autre avec lui, et ainsi de suite. Et puis voilà. Parce qu'ils savaient que des hallucinations que certains avaient, ça allait se transformer en des douleurs terribles, en une mort terrible. Mmh. Et comme je vous l'ai dit, les cinq groupes étaient confrontés à ce même problème qui était les requins. Et enfin, on a le dernier groupe qui est celui de McVeigh, qui essayait d'être le groupe le plus ingénieux, celui qui faisait quand il y a un avion passé, même quand il était bien trop haut, ils essayaient de faire des appels lumineux, pour essayer de se faire repérer. Et ils étaient disséminés. Hein. Ouais. Ils étaient à combien de... On va parler en kilomètres, quand même. Entre 30 et 50 kilomètres, ça pouvait monter même à un peu plus. Ouais. Ouais. Les courants, c'est très violent. Hein. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le témoignage que vous avez recueilli à Londres, c'est ça, oui, Londres, hein, oui. D'un des rescapés. Racontez-moi qui est cet homme, ce qu'il vous a dit, comment il vous a parlé, dans quel état d'esprit il était, à quel point le souvenir de ce cauchemar, parce que vraiment un cauchemar, c'est l'une des affaires les plus cruelles qu'on ait racontées depuis le début d'Affaires Sensibles. Hein. Comment il en parle? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce qui est assez fou, c'est que cet homme a son nom sur un monument à Londres, puisqu'il est un rescapé, non seulement de l'USS Indianapolis, mais aussi d'un autre bateau marchand, quelques mois après. Et il a été considéré comme mort, c'est-à-dire que son nom sur le monument, c'est Connors, de mémoire. Et donc, il me disait, c'est le nom de ma maman, parce qu'en fait, quand j'ai été rescapé de l'Indianapolis, pour une raison, j'ai tout de suite été embauché dans un bateau marchand, et puis pour me faire embaucher, parce que c'était un Américain qui se faisait embaucher par un bateau marchand londonien, du coup, il avait le nom de sa maman, et voilà, c'est ce qui il a été, le bateau a été coulé aussi. Et il en a réchappé. Lui, ce qu'il a comme souvenir, c'était très lointain déjà. C'était en 2015 quand je l'ai rencontré, donc à Londres, avec son fils. Et évidemment, c'était assez terrifiant. Lui, il faisait partie du groupe, pas McVeigh, il faisait partie du groupe qui était celui des hallucinations. Donc évidemment, il ne buvait pas d'eau de mer, il faisait très très attention. Alors c'était le plus dur pour lui, c'était la nuit en fait. Pourquoi? Parce que on entendait encore quelques cris, mais c'était plus des lamentations qu'autre chose. Donc c'était ces lamentations qu'il avait. Mais surtout, c'est le froid, l'hypothermie. C'était terrible parce que la journée, il fait très chaud. Mais la nuit, la température chute drastiquement et c'était ça le plus dur, de pas pouvoir dormir. Les requins chassent plutôt la nuit, même s'il y en avait en journée, c'est plutôt la nuit qu'ils se nourrissent. Donc s'il y avait ce souvenir-là et étrangement, c'est même pas étrangement, c'est même pas surprenant, comme Quint le dit, le moment où j'ai eu le plus peur, c'est le moment où c'était mon tour pour monter dans le bateau. C'est ce moment où on se dit, est-ce que je vais pouvoir monter dans le bateau? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas me faire rattraper? C'est étonnant quand même d'avoir cette peur-là au moment où c'est la fin du cauchemar annoncé. Ah, c'était ce moment, et il a eu cette même phrase à me dire, j'étais terrifié. Quand c'était mon tour, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais monter? Est-ce que quelqu'un va pas prendre plus de temps sur cette échelle et puis je vais pas pouvoir monter, je vais me faire happer ou il va se passer quelque chose? C'est donc ça qui l'a le plus traumatisé. Qui l'a le plus marqué. Évidemment, il y a les cris. Les cris, les lamentations. On le dit pas, mais il faut savoir que quand ils ont été rescapés, une semaine après, il y a eu quand même quelques-uns qui se sont suicidés. On ne le dit pas, ça. Parce qu'ils ne pouvaient plus, la nuit, arrêter d'entendre ces cris. Je cite à un moment donné Dylan Thomas, qui est un poète anglais. C'était terrible pour eux. Ce cri de leur compagnon, de leur ami, c'était des cris stridents, très aigus. Ils me disaient, c'était pas des cris d'hommes, c'était des cris très aigus. Et ça les empêchait de dormir, donc il y en a qui n'ont pas supporté. Oui, il y avait à la fois du désespoir, de la douleur, de la panique. Alors, depuis l'année 1960, je crois, donc ces hommes se réunissent une fois par an, c'est ça? Oui, une fois par an. En fait, j'avais fait un petit making-of sur cette BD. Si on tape sur YouTube, Indianapolis making-of, j'avais montré justement ce rassemblement où on les voit et chaque année, ils sont de moins en moins nombreux, évidemment. Et c'est de plus en plus dur et il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment, c'est ce que m'avait dit justement ce survivant. Il m'a dit, c'est très dur. Il y était allé une fois, mais il n'a jamais pu y retourner parce que c'était trop dur. Alors la BD justement, d'abord c'est en noir et blanc. Pourquoi ce choix du noir et blanc? C'est parce qu'on est dans une histoire très noire déjà. C'est pour ça. C'est pour le côté plus réaliste. Ouais, côté plus réaliste, le fait que la couleur, je pense, aurait apporté quelque chose de différent. Je voulais vraiment être dans cette tonalité-là. Et concernant le graphisme, Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi un graphisme sans effet de manche, hein, c'est le plus réaliste possible. Vous vouliez, ouais. vous y teniez. Oui, alors c'était assez fou parce que j'ai travaillé avec un dessinateur. Il y avait trois dessinateurs, mais dont un qui était le dessinateur principal de la première partie. C'est un dessinateur italien. Et il ne parlait pas l'anglais. Moi, je ne parlais pas italien, donc on avait un traducteur entre nous. Et ça a pris un peu plus de temps, mais c'était voilà. Vous avez vu le dessin. Je pense que ça méritait vraiment d'être patient. Votre BD n'a pas été traduite aux États-Unis. Non, parce que on l'a sortie en 1196 exemplaires. Le but était plus de faire un devoir de mémoire que d'en faire une bonne affaire. Donc, en gros, très peu d'exemplaires. Généralement, quand on édite une BD, on l'édite à 3000, 5000, voire 10000 exemplaires. Je voulais juste faire un devoir de mémoire. Donc, c'était 1196 exemplaires en hommage à ces hommes. Quelques années plus tard, en 2016, le film USS Indianapolis, où Nicolas Cage tient le rôle du capitaine McVeigh, sort sur les écrans américains. Je crois qu'il est mal accueilli. Je crois pas, mais j'en suis sûr. Avec deux exemples, Hollywood Reporter estime que ce film est bâclé, que les effets spéciaux sont criards et peu convaincants. Le New York Times, lui, prenez pas plus tendre, hein. Le film, dit-il, manque de subtilité et la façon dont il est traité enlève, alors je cite, enlève à l'histoire tout son caractère dramatique. Moi, je trouve ça sévère, j'ai vu le film hier. Je trouve ça sévère. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ils ont au moins eu le talent de le faire, parce que faire un film, c'est une sacrée industrie. Bah oui. Donc déjà, il y a le mérite de l'avoir fait. Maintenant, évidemment, ça mérite, c'est un sujet qui mérite un budget conséquent. On a quand même 900 hommes à la mer, donc c'est quand même, voilà, faut quand même un petit peu de... Enfin, c'est pas raté, quoi. Mais non, voilà, ça se regarde et on apprend des choses. De le voir. Ouais, on apprend des choses. Très bien. Merci infiniment, Damien Maric. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le naufrage de l'USS Indianapolis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau. Maïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Hein. Il y a sans doute une fédé quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête annuelle Bearing Point Kantar réalisée auprès de 4000 personnes.